La ville. Étant plus petit, je rêvais de vivre à la campagne. Les prairies, les bois, les rivières. Je me voyais habiter une grande ferme, pleine d'animaux de toutes sortes. Un rêve de gosse. Et me voici, badaud parmi les autres. Présent pas une fois la journée terminée. Toujours pressé, toujours stressé. Bonsoir, monsieur Caron. Vous avez passé une bonne journée. Bonsoir, monsieur Roland. Pendant que j'y pense, madame Delmer, votre voisine, elle m'a dit avoir entendu des bruits de grattements dans votre appartement. J'espère que votre chat a bien été éduqué et qu'il ne fait pas ses griffes sur les boiseries. Ne vous en faites pas, monsieur Roland. Il est très bien éduqué. Bonne soirée. Ah, et j'ai oublié. Vous avez reçu un colis. J'ai dit au livreur de le laisser au pied de votre porte. Métro, boulot, dodo. La prochaine fois. Et en plus, je dois me coltiner un concierge qui se prend pour un petit chef. J'en ai bien assez de taf. Militaire à la retraite. Il a pas fini de me faire suer. Frustré. Un colis? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien commandé, qui est-ce qui pourrait bien... Oui, moustique, j'arrive. Laisse-moi 2 minutes. Voilà, mon chat. T'as encore fait tes griffes sur la porte, toi. Voilà à quoi se résume ma vie. Rien de bien palpitant. Je gagne ma croûte en vendant des soi-disantes polices d'assurance et des crédits à des clients crédules. Où sont passés mes rêves? J'avais entamé des études d'archéologie. L'histoire me passionnait. Et puis... Oui, moustique, j'ai compris, tu n'as plus rien à manger. Il fut un temps où j'avais l'impression d'être quelqu'un, de faire quelque chose de grand, de participer à l'avènement d'un nouveau monde. Mais rien de cela n'était réel. Et je m'en suis éloigné. Tiens, vaurien, régale-toi. Des regrets? Certainement. Mais j'ai suivi ma propre voie, si fat soit-elle. Et puis mes parents avaient raison, sans doute. Il n'y avait aucun vrai avenir dans cette autre vie. Bien, et ce colis alors? Comment se fait-il qu'il soit arrivé jusqu'ici? Pourtant il m'est bien adressé. Voilà. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que... Une plume de corbeau? Non. Non. Du matériel de connexion? Non, ne me dites pas que... Agartha. Je tremblais en tournant et retournant la boîte de ce jeu entre mes mains. Voilà des années que j'avais fait une croix sur ce monde virtuel. À la fin de la précédente version, en fait. Moi, bien sûr, je savais qu'une nouvelle version venait de sortir. Ils avaient bien fait cette pub. Mais je me refusais l'idée de retenter l'aventure. Puis, je n'en avais pas les moyens. Mais qui a bien pu m'envoyer ça? Non, moustique, ce n'est pas possible. Je ne dois pas l'essayer. Oh, ce matériel vaut une fortune. Tentant, n'est-ce pas? Mais je m'étais résigné et avais écarté ce colis dans un coin de mon appartement, reprenant ma vie d'employé modèle dès le lendemain matin. Mais cela ne dura qu'un temps. Les souvenirs de ce monde que je croyais perdu déboulèrent en masse et occupèrent bientôt toutes mes pensées, de jour comme de nuit. Je n'attendis plus qu'une seule chose. Me coucher et rejoindre Agartha. Tout semble si réel. Les rayons du soleil perçant le feuillage de la forêt m'entourant. Le moindre bruit, le souffle du vent sur ma peau, l'odeur de sous-bois. L'immersion est complète. Le monde d'Agartha a été peaufiné au point de sembler aussi réaliste que celui que je venais de quitter en m'endormant. Lors de ma connexion, je m'étais retrouvée au milieu de ce bois, avec au fond de ma poche un message me demandant de rejoindre un village pour recevoir ma première mission. Je profitais de ces premiers instants pour me familiariser avec les principes de base du jeu et les caractéristiques du personnage que je venais de créer. En tant que débutante, je n'avais qu'une ou deux capacités, une tenue de cuir sommaire et un arc rudimentaire. Mais je savourais chaque instant, chaque pas, chaque son, chaque odeur. J'ai l'impression de pouvoir entendre chacune des feuilles du bois bouger dans le souffle du vent. Je ressens le besoin de caresser les troncs rugueux des immenses arbres. La vie grouille dans cette forêt. J'entends le son des petits animaux fouillant dans les feuilles mortes, les oiseaux chantant dans les cimes. Même les odeurs semblent plus puissantes ici. Je sens l'humus et la mousse humide. Il y a aussi l'odeur de la terre et le parfum des fleurs de sous-bois. Mais il y a aussi autre chose. Une odeur iodée. Une fragrance qui n'a rien à faire au cœur de cette forêt. Elle me rappelle le goémon, en décomposition sur les plages de Bretagne. Là où j'allais en vacances lorsque j'étais enfant. Une odeur forte et marine. Une odeur semblant se rapprocher petit à petit. Sans vraiment savoir pourquoi, je ressens soudainement une certaine angoisse. Quelque chose se rapproche. Et je ne peux m'empêcher de prendre mon arc, dont je ne sais pas encore me servir. La créature est là, face à moi. Une bête que je n'arrive pas vraiment à identifier. Elle rappelle vaguement un tigre à la carrure impressionnante. Son corps semble couvert d'algues et de divers coquillages, comme la coque d'un bateau resté trop longtemps immobile. Elle m'observe, et je n'ose bouger. Je ressens un sentiment que je n'avais jamais ressenti dans un jeu vidéo. La peur. Ses dents pourraient me déchiqueter en un rien de temps. Et je sens qu'elle me jauge avant de se jeter sur moi. J'essaye de ne pas montrer ma peur, mais mes mains se mettent à trembler. Elle l'a senti, et fait un pas vers moi à la manière d'un fauve, prêt à bondir. Tout s'est alors passé très vite. En une fraction de seconde, l'animal s'est jeté sur moi, et j'ai fait la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Je me suis jeté sur le côté, et j'ai fermé les yeux. J'ai ouvert les yeux. La créature avait dévié sa course, et se trouvait maintenant à quelques mètres de moi. Une flèche dans le flanc. Un homme était debout, entre elle et moi. Une large capuche brune masquait son visage. Et il était vêtu d'habits de cuir simple. Il portait dans le dos un carquois et tenait un arc comme le mien. L'homme jeta son arc sur le côté et sortit lentement un long couteau de son bourreau. Il avait l'air aussi sauvage que l'animal, se déplaçant à pas lents, tournant autour de la bête. Et puis, tout se passa très vite. La bête se jeta sur lui en même temps qu'il se jetait sur elle. Ils roulèrent tous deux au sol. Mais seul l'homme se releva. Sa dague était couverte de sang. Il s'approcha de moi et ramassa son arc. Merci. De rien. Mais je ne l'ai pas fait que pour toi. Cette bête souffrait. Super. Le premier autre joueur que je croisais dans ce jeu était un mufle. Mon voyage commençait bien. Au moins, m'avait-il sauvé de la bête. Il se redressa et retira sa capuche pour me dévisager. Il était lui-même plutôt agréable à regarder, mais ses yeux verts cachaient quelque chose de triste. L'avantage de ce jeu, ou l'inconvénient selon le point de vue, est qu'il nous était impossible de créer un avatar complètement différent de notre moi réel. La création du personnage était une sorte de customisation de notre véritable corps. Nous pouvions modifier quelques détails, comme les couleurs des cheveux ou des yeux, éliminer quelques bourrelets, etc. Mais nous ne pouvions pas changer réellement ce à quoi nous ressemblions dans la vraie vie. Désolé, je ne voulais pas paraître si brusque. Je traquais cet animal depuis un petit moment déjà. Il n'avait rien à faire dans cette forêt, nous sommes loin de son territoire. Quelque chose, ou quelqu'un, l'a poussé à s'enfoncer loin dans les terres. Qu'est-ce que c'était que cette chose ? Un naufrageur, une créature vivant sur les côtes rocheuses, loin à l'ouest d'ici. Tu me sembles perdu. Première connexion ? Ça se voit tant que ça ? Je ne pensais pas risquer ma vie durant ma première nuit à Agartha. Ce monde paraît tellement... réel. Ouais, chaque détail est soigné pour que chaque joueur soit dans une immersion complète. Notre corps numérique réagit comme s'il était lui-même réel. Tous nos sens sont fonctionnels. Mais tout semble ici si beau. Les arbres semblent plus verts, les odeurs plus fortes. Ça, c'est peut-être parce que, comme moi, tu vis en ville. Nous avons oublié ce qu'était la nature. Il avait raison. Voilà une éternité que je n'avais pas quitté la civilisation pour un petit bout de verdure. Le travail, la vie citadine, cela laissait peu de temps aux sorties à la campagne. C'était ironique. Retrouver des sensations naturelles perdues dans un jeu vidéo entièrement artificiel. Mais j'y pense. Tu me traites de débutante, mais vu ton équipement sommaire, tu ne dois pas non plus fréquenter Agartha depuis si longtemps que ça. Comment as-tu réussi à battre ce... comment tu disais déjà... naufrageur ? J'ai trouvé son point faible. Et puis il était mourant. Bon, ne restons pas à traîner ici. Nous devrions retrouver le village le plus proche. Je sens dans cette forêt quelque chose d'inhabituel. C'est ta façon d'esquiver la conversation ? Non. Tu es une rôdeuse, comme moi. Tu dois pouvoir le sentir, toi aussi. Cela fait partie de nos capacités de base. Nous avons des capacités en connexion avec la nature qui nous entoure. Tu peux ressentir la forêt. C'est un coup à prendre, mais ça va venir, petit à petit. Ressentir la forêt, tu dis ? Bon. Ferme les yeux. Concentre-toi sur ce qui t'entoure. Respire à fond et fais le vide. Ne focalise pas sur un sens en particulier. Laisse simplement les sensations affluer. Et je fis ce qu'il me disait. Au début, il n'y avait rien de particulier si ce n'est ce que j'avais ressenti au début. Les odeurs, les sons. Et puis, je me sentis détendue. Comme si le calme de la forêt s'était insinué en moi. J'avais l'impression que mon cœur battait au rythme du vent. Que je faisais partie d'un tout. C'était une sensation magnifique, grisante. Et puis, je sentis autre chose. Un frémissement. Un frisson qui parcourut les bois et me remonta dans les chines. Quelque chose troublait ces lieux. Une présence indésirable. Quelque chose de malsain. Je rouvris les yeux brusquement. Allons-y. Nous allons rejoindre le village le plus proche. J'imagine que, comme moi, tu as trouvé au fond de ta poche une note te disant de t'y rendre. Il est au nord d'ici, nous y serons avant notre réveil. Bien. Comme ça, tu auras l'occasion de m'expliquer pourquoi tu as l'air aussi à l'aise. Et c'est ainsi que débuta ma première nuit dans le monde d'Agartha. À ce moment-là, je ne savais pas vraiment dans quoi je mettais les pieds. Mais ce que je savais, c'est que l'expérience était grisante et qu'il était hors de question que je m'arrête là.